L'abreuvoir de poèmes par Émile Verhaeren. Enregistré pour LibriVox.org par Yasmine. Cet enregistrement fait partie du domaine public. L'abreuvoir. En un creux de terrain aussi profond qu'un antre, les étangs s'étalaient dans leur sommeil moiré et servaient d'abreuvoir au bétail bigarré, qui s'y baignait le corps dans l'eau jusqu'à mi-ventre. Les troupeaux descendaient par des chemins penchants, vaches à pas très lents, chevaux menés à l'amble, et les bœufs, noirs et roux, qui souvent, tous ensemble, beuglaient le cou tendu vers les soleils couchants. Tout s'anéantissait dans la mort coutumière, dans la chute du jour, couleur, parfum, lumière, explosion de sève et splendeur d'horizon. Des brouillards s'étendaient en linceul aux moissons, des routes s'enfonçaient dans le soir infini et les grands bœufs semblaient râler ses agonies. Fin de l'abreuvoir.